Chapitre 13. Dès le jour suivant, M. de Carlepont fit prendre des informations à Paris. Au bout du mois, il n'ignorait plus rien de ce qu'il désirait savoir. Le père de Gilbert était originaire de Bayonne, où ceux de son nom tenaient jadis un rang considérable. M. de Lanta avait un assez longtemps servi dans la garde royale. Il appartenait à l'arme de la cavalerie. À cette époque, on lui connaissait quelque fortune et il jouissait d'une bonne réputation. Un malheur de famille l'engagea à donner sa démission. Sa femme l'avait abandonné et courait le monde avec un aventurier. Cette infortune, dont il ne put jamais se consoler, le jeta dans un désordre qui fit de sa vie la proie du hasard. Le jeu le ruina. On ne s'aperçut jamais qu'il aima beaucoup le fils qui lui rappelait la fugitive. Peu de temps après l'époque où il s'était montré chez la Gervaise pour la dernière fois, M. de Lanta trouva la mort dans un duel. Quant à sa femme, victime d'une trahison dont elle avait donné le premier exemple, elle venait de finir misérablement en Italie. M. de Carlepont soupira. « Orphelin, cela vaut mieux, » dit-il. Il fit régulariser toutes les pièces qui constataient la mort du père et de la mère et ne s'occupa plus que du petit homme ramassé un soir d'automne dans un fossé. 3 mois après son installation à la Cormelle, Gilbert était méconnaissable. Il avait toujours cette même nature de chèvre, les membres grêles et nerveux, la taille svelte et mince, les mouvements souples et rapides, la marche agile et rebondissante. Mais un coloris chaud animait ses joues brunes, ses yeux pétillaient de malice et de gaieté, son sourire donnait la joie. Il fredonnait sans cesse et remuait toujours. On aurait pu dire de lui que c'était une chanson ailée. Il aimait plus le mouvement que la lecture ou le travail. Ses livres traînaient un peu sur tous les bancs. Mais au moindre signe de M. de Carlepont, il lui fait 10 lieues à travers bois sans sourciller. Gilbert était la vaillance même. Il s'y mêlait même un peu de vantardise comme un reste du sang gascon dont il sortait. La seule crainte qu'il connut était celle des revenants et des loups-garous. On reconnaissait dans cette peur superstitieuse l'influence de l'éducation première qu'il avait reçue sous un chaume. La nuit, parmi les arbres de la Cormelle, au moindre bruit, il frissonnait. Il tirait son courage de la pleine lumière du jour. Une flamme errant sur un marais le fit trembler plus qu'un taureau une bande de loups hurlant dans la neige. Son admiration égala son étonnement quand il vit Henrion s'aventurer dans la campagne, un soir d'hiver, à l'heure où il est constant que les meneurs de loups font la ronde au clair de lune. Mais l'amour-propre, qui était considérable chez lui, l'emporta sur la terreur, et pour n'être paraillé par la bigorne, il suivit son camarade. M. de Carlepont exigea que Gilbert se soumît aux leçons de M. Bonafous. C'était dur pour un garçon qui avait passé le meilleur de son temps avec les brebis et les petits pâtres dans les landes. La vanité le plia mieux que les conseils, et pour n'être inférieur à personne, il s'attache au livre et au map-monde. Son intelligence qui était vive et lucide fit le reste. Plus jeune qu'Henrion d'un an ou 18 mois, Gilbert marcha vigoureusement sur les traces de son aîné. Mais quel cri, quel élan, quelle fougue, quel débordement de joie, lorsqu'il jetait en l'air plumes et papiers pour saisir une ligne ou s'armer d'une serpe, qu'il était prompt à couper un fagot de bois mort, à ramasser une botte d'herbe fraîche, à cueillir les fruits mûrs, à conduire les vaches à l'abreuvoir, à ramener les oies pâturant le long des sentiers. Si l'on regardait une noix, il était au sommet de l'arbre avant qu'on eût retourné la tête. On pouvait croire qu'il se romprait le cou chaque matin. Il ne se faisait jamais une égratignure. À certaines heures et par certains vents, on aurait dit qu'un essaim de diable était en lui. Il mettait tout en désordre dans le jardin et la maison. C'était pour la bigorne, occupée à réparer le dégât, une anguille, une hirondelle, un feu follet. Il la faisait enrager, elle en raffolait. « Voilà un petit dont je n'aimerais pas à être le berger, » disait Noël. Mais cette belle profession de foi ne l'empêchait pas d'obéir comme un mouton aussitôt que le petit faisait un signe. Entre le fils que Philiberte lui avait donné et l'enfant que la Providence avait commis à sa garde, M. de Carlepont tenait la balance égale. Même travaux, même jeux, même vêtements, même soins des deux parts. Il dormait dans des chambres pareilles. On avait trouvé au fond d'un tiroir un couvert d'argent pour Gilbert. S'il y avait dans l'attitude du père entre les deux enfants une nuance que M. de Bléré seul pouvait saisir, on aurait pu dire que M. de Carlepont témoignait au fils de M. de Lanta une tendresse plus respectueuse. Il le considérait comme un dépôt qui lui était confié. Cette petite tête éveillée lui était sacrée. elle lui était apparue marquée par le malheur. Il en répondait à celui dont la main invisible l'avait poussé sur son chemin. La charge était douce. Les enfants s'aimaient comme deux frères. Henri avait offert à Gilbert toutes ses richesses, de petits outils proportionnés à ses forces, des jouets, son arc, ses flèches, ses lignes, ses filets. Gilbert avait tout accepté sans se faire prier. Bientôt après, M. de Carlepont, pour l'éprouver, lui fit cadeau des objets qui peuvent plaire le plus à un garçon actif et déluré. Gilbert prit tout dans ses bras et emporta la charge dans la chambre de son ami. « Bon signe !» murmura le duc. L'arrivée de Gilbert avait eu ce résultat de distraire heureusement la pensée de Henri. Elle fit une diversion aux tristesses dans lesquelles le plongeait par intervalles le souvenir de sa mère. Le duc le laissa s'égayer. Il voulait que son fils se rappelât Philiberte. Il ne voulait pas qu'il en souffrît. Avec Gilbert, la Cormel devint comme une ruche. On y entendait des murmures et des bourdonnements d'enfants. Si tendres qu'ils fussent l'un pour l'autre, maintes querelles suscitées par des hasards s'élevaient entre les deux camarades. Ils en venaient aux mains avec la fougue de deux passereaux qui se disputent la possession d'un grain de mille à coups de bègue. Leur lutte était entremêlée de bravades et de menaces, comme autrefois les héros épiques d'Homère combattant sous les murs de Troie. Si la bigorne effarée accourait pour mettre un terme à ces pugilats, le duc intervenait. « Laissez, » disait-il. « La pauvre morte m'a ordonné d'en faire un homme, et point un saint. » Quand il les surprenait derrière une haie, se gourmant, « Surtout pas de bruit, » disait-il, « assommez-vous et ne pleurez pas. » Ils acquirent si bien l'habitude de silence dans ces sortes d'occasions que lorsque la bigorne ne les entendait pas, elle était sûre qu'il y avait une bataille dans quelque coin. Au demeurant, la bonne intelligence ne perdait rien à ces guerres intestines. La réconciliation avait d'autant plus d'élan que la lutte avait eu plus de vivacité. Tour à tour vainqueur et vaincu, les deux champions s'embrassaient avec la conscience d'avoir bravement combattu. Ils se faisaient gloire des coups qu'ils s'étaient portés. Jamais de plaintes et de récriminations. On ne pleurait pas non plus. Le duc ne l'aurait pas souffert. Le père faisait faire aux deux enfants des travaux manuels pour stimuler leur émulation et développer le jeu des muscles. Un jour, il s'agissait de creuser un fossé d'écoulement. Le lendemain, d'empiler du bois sous un hangar. Une récompense appartenait aux plus actifs et aux plus ingénieux. Un matin, on se mit à bâtir une muraille contre laquelle devait s'adosser un auvent. Chacun commença par un bout. L'ouvrage avançait inégalement. Une nuit que M. de Carlepont ne dormait pas, il entendit s'ouvrir une fenêtre et, bientôt après, un bruit confus dans l'enclos. Il sauta à bas du lit. Son fils travaillait en grande hâte, charriant des pierres, gâchant du mortier. Le duc le rejoignit. « Que fais-tu là ? » dit-il. L'enfant rougit comme s'il eût été pris en faute. « C'est fort simple, » dit-il. « Gilbert étant moins âgé et moins fort que moi, je prépare en partie son ouvrage pour établir entre nous l'équilibre et ne laisser que ce qui appartient à l'activité et au bon vouloir. Mais au petit jour, Gilbert verra bien qu'une main inconnue a passé par là. Oh que non ! Il est bien trop étourdi pour s'en apercevoir. À présent, si je l'emporte, le remords ne sera pas de la fête. » Monsieur de Carlepont rentra chez lui le cœur léger. Il lui semblait que l'homme qu'il avait mission de former commençait à poindre. Pour les distraire et surtout pour leur enseigner la vie, le duc donnait parfois permission à ses enfants de battre le pays, tantôt ensemble, tantôt isolément. La bigorne préparait le sac de voyage. On y glissait du linge, un vêtement de rechange en cas d'accident et quelques menues monnaies. La dépense était calculée sous le pied de 30 sous par jour. Dans l'une des poches, les petits pèlerins emportaient un certificat du maire de la commune constatant leur identité. Henri et Gilbert ne dépassaient guère les limites du département. Un bâton à la main et de bons gros souliers ferrés aux pieds, ils partaient pour la conquête du monde. Leur absence se prolongeait dans certaines occasions jusqu'à la fin de la semaine. Au retour, ils avaient mission de faire une exacte narration du voyage. Cela aiguisait leur esprit et l'inclinait à l'observation. De plus, ils se façonnaient tous deux aux difficultés de l'isolement, point de ressources qu'en eux-mêmes. Monsieur de Carlepont remarqua bientôt que son fils donnerait plus d'attention aux hommes et Gilbert aux choses. Il arriva un soir qu'au retour de l'une de ces expéditions, qui étaient les grandes fêtes des deux écoliers et qu'ils avaient faites ensemble, cette fois Henri se prit le pied entre deux pierres en sautant un ruisseau. La douleur fut si vive qu'il poussa un cri et tomba sur le genou. Il tenta de se relever et n'y put parvenir. L'un de ses pieds lui refusait tout service. La brume rampait partout à la surface de la lande. Un vent bas sifflait entre les branches des saules. On était encore à plus d'une lieue de la Cormelle. « Laissez-moi là, » dit Henri à Gilbert. « 2 heures sont vite passées, et ça me donnera l'occasion de rentrer en cabriolet. »« Te laisser là, oh, que nenni !»« Réfléchis que si tu restes, nous courons risque de passer la nuit à la Belle Étoile. Or, il fera froid. Sois tranquille, chacun de nous dormira dans son lit. » La lune venait de se lever à l'horizon. À travers le rideau de vapeur qui ondulait à la surface du sol, elle apparaissait énorme et couleur de sang. Quelque chose de ces vieilles superstitions agitait le cœur de Gilbert. Il faisait jeter des regards furtifs sur les troncs bizarres des saules et les fantômes blancs des bouleaux. Il se serait fait tuer plutôt que d'abandonner son compagnon aux férocités nocturnes des loups-garous. Il eut bientôt déchiré une chemise et noué autour de la cheville tumifiée d'Henri un bandage vigoureux imbibé d'eau fraîche. Les 2 sacs furent promptement cachés au plus épais d'un buisson et s'accroupissant près du blessé qui le regardait. « Un effort à présent, » dit Gilbert, « et grimpe sur mon dos. »« Sur ton dos, et pourquoi faire ?»« C'est fort simple, je veux te ramener à la Cormelle. Dépêchons-nous seulement, si le brouillard s'en mêle, je perdrai mon chemin. » Quoi que fit Henri pour s'en défendre, Gilbert n'en démordit pas. Il fallut en passer par ce qu'il voulait. Gilbert avait les muscles solides et cette jambe du loup qui brave la fatigue. Il s'avança d'un pas élastique sur le sentier. « Es-tu là ?» disait quelquefois Henri. « Non. » répondit Gilbert d'une voix assurée. Quand il eut fait à peu près une lieue, il s'arrêta cependant pour souffler. Il s'arrêta de nouveau au bout de quelques centaines de pas. « Tu râles ?» reprit Henri. « Ça n'y fait rien, » répondit Gilbert. Et il allait toujours. La vue d'une lumière qui brillait au loin dans la nuit lui rappela l'histoire du petit pousset et lui rendit ses forces. Là-bas était la Cormelle, là-bas un bon souper, un bon lit, Monsieur de Carlepont, la Bigorne, Blaireau, sans compter Noël et Falco. Il fit encore un bout de chemin. Ses artères battaient à coups pressés, ses oreilles tintaient, l'air sortait en sifflant de sa poitrine. Un nuage passait devant ses yeux par intervalles. En ce moment, il aperçut une forme vague qui restait immobile devant la porte à claire-voie de la Cormelle, soulevant en l'air un falot dont la clarté rouge flottait au milieu du brouillard. « Oula, quelqu'un !» s'écria Gilbert, et il tomba évanoui. En 4 enjambées, la Bigorne fut auprès de lui. « Ah, les pauvres petits » murmura-t-elle en apercevant les 2 enfants par terre, l'un de tout son long, l'autre accroupi sur les genoux. La grande fille les enleva comme 2 agneaux et courut jusqu'à la maison en poussant de grands cris. Elle pensait que l'un d'eux, pour le moins, était mort. 5 minutes après, on soupait gaiement. La Bigorne allait de l'un à l'autre encore émue. « Quelle peur ils m'ont faite !» disait-elle à tout instant. « On n'a jamais ouï parler d'un têtu pareil, » poursuivait Henri. « Chaque fois que je voulais me détacher de son dos, il m'enfonçait les doigts dans les jambes et s'y cramponnait. « Pardine, monsieur le duc m'a bien porté, » répondit Gilbert. Certains soirs où la pluie tombant à flots les retenait autour d'une table chargée de livres, Henri dessinait ou lisait. Gilbert travaillait en promenant ses doigts d'un air grave sur une carte de géographie. Quelquefois, il se levait pour donner un coup de scie ou de rabot à quelques planches qu'on voyait sur un établi. La Bigorne tricotait, les pieds sur les barreaux de sa lourde chaise. Blaireau sommeillait, le museau allongé sur ses vieilles pattes, et faisait entendre par secousses de sourds aboiements auxquels Falco répondait en tournant autour de la chambre d'un air effaré. Un gros chat se pelotonnait auprès du feu, pareil, dans son attitude sérieuse et dans sa belle robe fourrée, un chanoine qui médite. Noël rangeait par la maison en sifflotant. On entendait contre les volets bien fermés les rafales de la pluie, chassées par le vent d'ouest. Une grande lampe suspendue au plafond éclairait la salle. Un volume ouvert était devant Monsieur de Carlepont qui en feuilletait les pages. Mais ses yeux passaient par-dessus le volume et promenaient un regard paisible autour de lui. Partout, dans la Cormelle, on sentait le calme et le repos. Point d'inquiétude et d'agitation dans les cœurs. Chacun savait ce qu'il avait à faire et le faisait allègrement. Quelle douceur se répandait dans son esprit lorsqu'il comparait ses heures sereines aux jours inutiles de sa jeunesse, aux nuits fiévreuses du rocher. Qu'il fallait peu de choses pour remplir le vide de la vie, que ne pouvaient combler tant d'entreprises et tant de désirs tour à tour assouvis. le sentiment du devoir accompli y suffisait. Qu'il était aimable alors, le pétillement du fagot de branches mortes tordues par la flamme, que ce silence suivi de bruits légers parlait éloquemment à son cœur. Il prolongeait la veillée, tournant les pages sans les lire, et savourant un bien-être intérieur qu'il n'avait pas connu avant la 40e année. Une grande pitié le saisissait au souvenir des infortunés qui vivent dans le luxe et dépensent leurs jours dans les plaisirs. « Hélas, ne les ai-je pas pratiqués jadis ?» se disait-il. Mais cela lui paraissait enfoui dans des ténèbres lointaines, au milieu desquelles il lui semblait qu'un autre Carlopon s'était égaré. Souriant, enfin il se levait. Les enfants l'imitaient et venaient tour à tour l'embrasser. Gilbert passait le premier, la bigorne serrait son ouvrage, jetait des cendres sur le feu, éteignait la grande lampe et se retirait la dernière, suivie de Blaireau. Bientôt après, les tranquillités du sommeil et de la nuit descendaient sur la Cormelle. À quelque temps de là, au plus fort de l'hiver, la veillée de M. de Carlepont fut interrompue tout à coup par un aboiement sonore de Blaireau qui venait de s'élancer contre la porte suivie de Falco. On ouvrit et on entendit des appels de voix confuses qui partaient de la route. Un long tapis de neige couvrait l'enclos. Et dans les blancheurs qu'il répandait au cœur de la nuit, on aperçut trois ombres qui se traînaient péniblement au travers des arbres. On entendait le givre qui craquait sous des pas chancelants. Henri s'élança le premier. Il s'imagina d'abord que le ramenait Gilbert, absent depuis deux ou trois jours, pour l'une de ces excursions auxquelles le duc les invitait l'un et l'autre. Il se trouva subitement en face d'une étrangère et d'une toute jeune fille qu'une femme de chambre suivait à distance en grelottant. Le duc s'avança à tête nue. « Nous ne savons où nous sommes, » dit celle des deux femmes qui tenaient la petite fille par la main. « Un des chevaux qui traînait notre voiture s'est abattu, l'autre est à bout de force. Il fait nuit, il fait froid, ma fille a peur. J'ai pris ma course du côté d'une lumière que j'apercevais. « Vous êtes à la Cormelle, entrez, » répondit monsieur de Carlepont. La bigorne, qui portait un falot, marcha la première. Henri, par un mouvement spontané, enleva l'enfant dans ses bras et se dirigea en courant vers la maison, suivi par l'étrangère. Déjà, M. de Carlepont traversait l'enclos à grandes enjambées. Au moment d'en passer la porte, il se rappela que l'étrangère avait parlé d'une voiture abandonnée dans la neige. Il y avait peut-être quelqu'un à secourir par là. Revenant donc sur ses pas, « Qu'on fasse grand feu et qu'on serve à souper. Dans 5 minutes, je serai de retour. On y va, » répondit la voix de Noël. Le duc trouva la voiture à quelques centaines de pas sur la route. L'un des chevaux boitait, l'autre éreintait, tremblait, soufflait et faisait peine à boire. Le cocher se démenait autour d'eux et se répandait en imprécations. « Voilà de vilaines paroles qui ne vous tireront pas d'embarras, » dit M. de Carlepont. « Dételez ces pauvres bêtes et suivez-moi. Personne n'emportera la calèche. » Le cocher regarda le duc et obéit sans plus gronder. Déjà, M. de Carlepont tirait par la bride le cheval qui était de son côté. « Peste, vous avez la main leste, » dit le cocher qui n'avait pas fini. « Oui, assez. » Quand M. de Carlepont reparut à la Cormelle, l'étrangère était assise dans le grand fauteuil à la place d'honneur. En face d'elle, on voyait Henri immobile sur un autre siège, tenant sa petite fille endormie dans ses bras. Sur la table, il y avait encore des assiettes où fumait un reste de bouillon. Un feu de bourrée flambait dans la cheminée. La bigorne, les mains chargées de drap blanc, d'où s'échappait une fraîche odeur de lavande, traversait la chambre. « Mon Dieu !» dit l'étrangère. « J'ai grand-peur de vous déranger beaucoup. »« Une femme et un enfant, ce n'est pas fait pour déranger, monsieur le duc de Carlepont, » répondit la bigorne. « Et la maison est à vous ?» continua le duc qui venait de pousser la porte. Mais déjà l'étrangère s'était levée. Son visage avait la couleur des draps que portait la bigorne. « Le duc de Carlepont, » murmura-t-elle. « Oui, madame, vous l'avez devant vous, » répondit le duc en s'inclinant. La main que l'étrangère appuyait sur le dos du fauteuil trembla légèrement. « Ah, c'est vous, monsieur, » dit-elle d'une voix dont le son expirait sur ses lèvres. « Voilà qui est singulier, » pensa le duc, et tout haut il ajouta. « Aurais-je par hasard l'honneur d'être connu de vous, madame ?»« Non, » répondit l'étrangère avec effort. Vainement, M. de Carlepont examinait cette femme qu'il avait sous les yeux. Ses traits ne lui rappelaient rien. Et il avait à l'égard des physionomies qui s'étaient présentées une fois devant lui une mémoire impitoyable. Cependant, l'étrangère tournait les yeux du côté de sa fille. puis les ramener autour d'elle avec l'expression d'une indéfinissable anxiété. La bigorne entra. « Tout est prêt, » dit-il, « l'enfant a une couchette chaude comme un nid. » « Ne pourrait-on avoir des chevaux dans le voisinage ?» demanda tout à coup l'inconnu. « Je paierai ce qu'il faudra. »« Vous n'en auriez ni pour or ni pour argent, » répondit la bigorne d'un ton bourru. « Il n'y a que des loups dehors par le temps qu'il fait. Voyez. » D'un geste brusque, elle ouvrit la porte qui donnait sur l'enclos. Un vent froid soulevait des plis de neige dont la lune éclairait les tourbillons. Les longs sifflements de la bise sortaient du milieu des arbres dépouillés. L'étrangère frissonna et fit un pas vers son enfant. « Regardez, madame, elle dort, » ajouta M. de Carlepont. Mais le courant d'air vif qui la frappait en plein visage tira la petite fille de son sommeil. Elle ouvrit à demi les yeux et jetant ses petits bras autour du cou de Henri. « Il y a un beau château chez nous, » dit-elle. « Si jamais tu passes par là, il faudra nous y venir voir. »« Qu'en pensez-vous, madame ?» poursuivit le duc. « Je reste donc, » reprit l'étrangère qui s'inclina. « Cependant, je ne l'avais jamais vue, j'en suis certain, » pensa M. de Carlepont.